Tu rappelles au cœur de l'homme que la vie ne lui appartient pas, qu'elle est un souffle que tu donnes, un mystère entre tes mains. Tu dis de ne pas toucher à ceux qui portent la vie en soi, car dans le sang circule l'âme, et l'âme vient de toi. Ce n'est ni la force ni la chair qui donne le droit de posséder, mais ta voix qui fixe la frontière entre prendre et respecter. La vie est dans le sang, et le sang crie vers le ciel. Tu rappelles à tes enfants la valeur de l'essentiel. La vie est dans le sang, et tu la protèges de ta main, car ce qui vit sur cette terre porte ton souffle divin. Tu interdis qu'on s'approprie ce que toi seul peux donner. Tu demandes qu'on t'apporte à toi ce qui veut être consacré. Devant l'autel, devant ta face, tout revient à sa place. Et l'homme apprend dans l'obéissance à marcher dans ta grâce. Tu enseignes la limite, non pour nous emprisonner, mais pour garder dans la lumière ce que tu as créé. La vie est dans le sang, et le sang crie vers le ciel. Tu rappelles à tes enfants la valeur de l'essentiel. La vie est dans le sang, et tu la protèges de ta main, car ce qui vit sur cette terre porte ton souffle divin. Tu n'es pas un dieu lointain, tu entres jusque dans nos gestes. Tu veux que chaque pas humain honore ce que tu manifestes. Tu fais de la vie une alliance, un don sacré, un serment. Et dans la plus simple obéissance, tu protèges l'innocent. Dans le sang, et le sang crie vers le ciel. Tu rappelles à tes enfants la valeur de l'essentiel. La vie est dans le sang, et tu la protèges de ta main, car ce qui vit sur cette terre porte ton souffle divin. Ce qui vit vient de toi, ce qui respire t'appartient. Et dans le secret de la vie, tu écris ton dessein.